comprendre, mais j'ai toujours pas compris. Les psys se regardent et se ressemblent tous comme des vulgaires copies. J'ai rien à t'offrir, donc rien à donner. Ma vie écrit au crayon, mais j'ai plus rien pour gommer. Ici c'est la merde, je sais, je te le dis souvent. À force les gens diront, mais putain qu'est-ce qu'il est saoulant. Mais pourtant, j'ai plein de choses à te raconter. La preuve par exemple, je sais même pas par où commencer. Après une heure de sud, j'ai la tête comme une citrouille. Ça pue la merde, c'est pas Saint-Trope, non c'est Mulhouse. Les jeunes veulent vivre le danger comme Vin Diesel. Les rimes j'en ai envie comme une info qui a envie de taiser. FDM c'est le retour, enfin c'est décidé. Lui hip hop, on vient lui péter les décibels. J'avance seul, ouais, ou en équipe. Gêne c'est du bon, à force ça devient typique. 2009 plus rien, n'a foutre des critiques. Vas-y balance le beat que je me fasse un bad trip. Aujourd'hui le hip hop c'est sa renaissance. Gêne c'est mon place et pas celui d'une assurance. Notre retour, notre retour, c'est la vie, on fait des détours. Notre retour, notre retour. 2009, on débarque, on vient sur place et dans le parcours. Notre retour, notre retour. Le poids de mes mots, j'ai trop longtemps soulevé. Notre retour, notre retour. Le point levé, la mixtape, la mise à rime est lancée. C'est un retour en arrière, un petit tour dans ma tête sans faire un détour sur nos peines. J'ai trop souvent repensé à mon avenir insensé. Y'a-t-il vraiment un sens néfaste? Si je m'efface, c'est pour prendre du recul quand y'a plus la force de faire face. La musique n'est plus qu'une habitude exacte. Je me suis servi d'elle pour stopper toutes mes démarches. Simple produit de mon imagination, c'est le fruit de mon invention. Forçons le destin, c'est le seul moyen de se faire un festin. Désaffecter les mauvais souvenirs, se rattraper par tout ce qu'on veut s'offrir. Le futur nous ferme ses portes et la censure nous montre ses poches. Mais y'a plus de mailles, y'a plus de failles et tout le monde se maille. Y'a plus de mailles, y'a plus de failles et tout le monde se maille. Notre retour, notre retour, c'est la vie, on fait des détours. Notre retour, notre retour. 2009, on débarque, on vient sur place et dans le parcours. Notre retour, notre retour. Le poids de mes mots, j'ai trop longtemps soulevé. Notre